Et quand il était tenté de regretter que depuis des mois, il ne fit plus que voir Odette, il se disait qu'il était raisonnable de donner beaucoup de son temps à un chef-d'œuvre inestimable, coulé pour une fois dans une matière différente et particulièrement savoureuse, en un exemplaire rarissime qu'il contemplait, tantôt avec l'humilité, la spiritualité et le désintéressement d'un artiste, tantôt avec l'orgueil, l'égoïsme et la sensualité d'un collectionneur. Il plaça sur sa table de travail, comme une photographie d'Odette, une reproduction de la fille de Jétro. Il admirait les grands yeux, le délicat visage qui laissait deviner la peau imparfaite, les boucles merveilleuses des cheveux le long des joues fatiguées, et, adaptant ce qu'il trouvait beau jusque-là d'une façon esthétique à l'idée d'une femme vivante, il le transformait en mérite physique qu'il se félicitait de trouver réuni dans un être qu'il pourrait posséder. Cette vague sympathie qui nous porte vers un chef-d'œuvre que nous regardons, maintenant qu'il connaissait l'original charnel de la fille de Jétro, elle devenait un désir qui suppléa désormais à celui que le corps d'Odette ne lui avait pas d'abord inspiré. Quand il avait regardé longtemps ce Botticelli, il pensait à son Botticelli, à lui, qu'il trouvait plus beau encore. Et, approchant de lui la photographie de Zefora, il croyait serrer Odette contre son cœur. Cependant, ce n'était pas seulement la lassitude d'Odette qu'il s'ingéniait à prévenir, c'était quelquefois aussi la sienne propre. Et, pour renouveler un peu l'aspect moral, trop figé d'Odette, et dont il avait peur de se fatiguer, il lui écrivait tout d'un coup une lettre pleine de déceptions feintes et de colère simulée qui lui faisait porter avant le dîner. Il savait qu'elle allait être effrayée, lui répondre, et il espérait que dans la contraction que la peur de le perdre ferait subir à son âme, jailliraient des mots qu'elle ne lui avait encore jamais dit. Et en effet, c'est de cette façon qu'il avait obtenu les lettres les plus tendres qu'elle lui a encore écrites, dont l'une qu'elle lui avait fait porter à midi de la maison dorée, commençait par ces mots. « Mon ami, ma main tremble si fort que je peux à peine écrire », et qu'il avait gardé dans le même tiroir que la fleur séchée du chrysanthème.